أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض. Allah est la lumière des cieux et de la terre. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. المصباح في زجاجة. La lampe est dans un récipient de cristal. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. نور على نور. Lumière sur lumière. يهدي الله لنوره من يشاء. Allah guide vers sa lumière qui il veut. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient.